de son cul aussi large que la table. Oh oh oh, oh, oh. Quand elle embrassait les lèvres mouillées, humides de bave, un filet qui s'en dégageait dès que tu lui roulais une pelle. Tu sentais que vraiment elle bavait, elle bavait, elle bavait. Elle avait le cul aussi large que la table. Un bon maître, un bon maître, un bon maître. Un cube. Une boule, un mètre cube. Elle avait le cul aussi large que la table. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la la la. Et pas beaucoup de seins, mais beaucoup de bides, oh ça oui. Des bourrelets, des bourrelets, des bourrelets, encore et encore. Quand t'avais la tête entre ses cuisses, ça transpirait une odeur qui faisait que... Ouh, ouh, ouh, ouh, mon ami. Ouh, ouh, ouh, ouh, mon ami. Comme t'avais rien à te mettre sous la dent à l'époque, et ben tu y allais, tu lui pétais le cul. Ouais, enfin bon. Si t'arrivais à rentrer, enfin bref, en levrette, c'était le plus facile. En levrette. En levrette, c'était le plus facile. Et encore. Facile. C'était à peine si tu sentais ce que tu faisais dans tout ce gras, toute cette graisse, toute cette ingresse. Va trouver le trou quand tu sais pas où il est, quand tu ne vois même pas à l'œil nu. On dit la bite n'a pas d'œil, mais quand même, faut bien qu'elle ait des repères pour y aller. Des repères pour y aller, au bourrin. Allez, vas-y, mon coquin, allez, vas-y. Ah, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. J'avais dit, non, j'ai pas d'a priori, tant pis, elle est grosse, elle est moche, on s'en fout, pas d'a priori. On dit quand même qu'elle est belle. Dans son genre, elle est belle. Faut l'être beaux yeux, mais le reste. Mais quand après elle te largue, elle te dit, oh là, toi. Alors toi. Allez. Elle qui te largue alors qu'elle a un gros cul et qu'elle est moche comme tout. Après coup, tu te dis pourquoi j'y ai mis mon bout. Pourquoi j'y ai mis mon bout. C'est vrai que quand c'est vache maigre, quand on voit une grosse, eh ben t'y vas. Surtout si elle te dit oui, tu lui mets des bottes bien larges pour pas qu'elle s'enfuie. Toi, tu mets tes pieds dedans et tu mets ses pieds aussi. Comme ça, elle peut pas s'en aller. T'y vas au bourrin, mon gars. T'y vas au bourrin. Oh, putain. Du moins t'essaies, mais comme c'est vache maigre, t'y arrives quand même. À lever le bout. À lever le bout. T'y arrives un peu quand même. À lever le bout. éjaculation. Jusqu'à éjaculation. Mais là, d'un seul coup, le dégoût la pression, tu vois, quand la pression est descendue, là tu te dis, mais putain, mais pourquoi j'y suis allé là-dedans? Oh là là, mais franchement, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis mon bout là-dedans, mais n'importe quoi. Pour si peu t'as mis ton bout. Eh ben mon coquin, heureusement qu'elle ne voit rien. Heureusement qu'elle ne voit rien. Ta queue.